des groupes de femmes de la capitale nationale et le Syndicat industriel des travailleurs et travailleuses de Québec. Ça coupe raide, c'est Vincent ce soir avec moi. Bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Plein de bonnes choses ce soir, évidemment, plein de nouveautés. On va d'ailleurs, je vais en profiter pour donner le coup d'envoi de l'émission en annonçant le dernier groupe qui va participer au festival Terra Incognita, qui va avoir lieu au mois de mai, 17, 18 et 19 mai, au Centre d'art La Chapelle. Vous savez qu'on a déjà le plaisir de penser au mois de mai en songeant qu'on va voir Airbag, Bjorn Riss, Fido, Finistère et bien d'autres. Et bien, ce soir, j'ajoute un autre groupe norvégien qui va ouvrir pour Bjorn Riss le vendredi soir, 17 mai, et c'est Oak. De leur deuxième album, on va l'écouter. C'est à veille de sortir. Je pense que c'est sous le point. C'est cette semaine que l'album va être disponible. Ça s'appelle False Memory Archive et c'est le groupe qui va précéder Bjorn Riss la première journée du festival. On écoute donc une nouveauté, Oak de Norvège. We'll be right back. important man. You don't have to hurry, so take a rest. Can't you hear what your son is doing? Is what he dreamed, growing through the years. I still remember when you cried after being lost in the countryside. Now I hear your voice again, calling me out loud when the sun got down. No one else around. Thank you. Ça nous vient d'Italie. Vous avez probablement reconnu le son du saxophone de M. David Jackson. Le groupe, c'est Oak, mais pas le Oak norvégien. C'est le O.A.K. italien. En italien, c'est Oscillazioni Alchimico Creative. Le leader du groupe trouvait que c'était une bonne idée au début de s'appeler Oak, mais après ça, il s'est rendu compte que c'était assez commun en Angleterre, c'est qu'il s'est dit, faut que je vire ça. On a fait 2 ans avec ce nom-là, il a rajouté les points, puis il a trouvé des mots italiens qui correspondaient à chaque lettre. Et bonhomme assez spécial, d'ailleurs, je vais probablement en remettre ce soir, parce que j'adore. Un monsieur qui roule sa bosse depuis une trentaine d'années, qui a plusieurs disques, et puis qui a joué avec, à peu près tous les musiciens de Jethro Tull, entre autres, et David Jackson, David Sinclair aussi de Caravan. Quelqu'un qui est... on peut s'intéresser pendant pas mal de temps à ses disques et à son cheminement. On avait avant... j'ai de la misère à me relire comme d'habitude. Overhead, ça nous vient de Finlande. Je pense que c'est sur le point de paraître Eden Spark. C'est la pièce Eden Spark, la pièce titre. Et on avait donné coup d'envoi avec Oak, mais cette fois-ci, le Oak norvégien, qui en est à son deuxième essai. Le premier, c'était Lighthouse, paru, je pense qu'il y a 5 ans. Ils ont pris leur temps, mais je vous dis que ce que j'ai entendu, c'est du calibre de ce qu'on a entendu en ouverture. Et c'est False Memory Archives. Et puis, je vous le rappelle, c'est eux qui vont ouvrir le festival le 17 mai, en première partie de Bjørn Riis. Petite précision, c'est sûr qu'il y a, toujours notre duo acoustique qui ouvre chaque journée. Mais on va dire que c'est eux qui ouvrent quand même, véritablement avec un concert d'1h30. Donc, Oak, de leur nouvel album False Memory Archive. Je pense qu'on va continuer en musique. Et tout à fait. Là, c'est pas une nouveauté, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais diffusé. C'est une combinaison de musiciens écossais. Le groupe s'appelle Grand Tour. Et c'est l'album Heavy on the Beach. Le temps de vous rappeler que vous écoutez CKRL 89.1, c'est Terra Incognita avec Michel et Vincent Delisle ce soir qui m'accompagne. Je suis bien content. Je vais essayer de le faire parler d'ici la fin. Je pensais qu'il était pour parler de Oak italien parce que je pense qu'il a bien apprécié, mais on va s'en reprendre. On continue en musique donc avec Grand Tour, mais après. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Festival d'été de Québec, Spira, La Croisée, Centre d'art La Chapelle, l'Ampli de Québec. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Vous êtes artiste et vous cherchez un nouveau défi? CKRL lance le concours Talent en scène à la Korigane. Chant, musique, poésie, slam, humour, soyez l'un des 32 artistes à participer à notre concours. Vous pourriez gagner un spectacle avec cachet dans la programmation 2019 de la Korigane, une campagne publicitaire d'une valeur de 1 000 $ à CKRL, une session live enregistrée ou encore une séance photo professionnelle. Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site ckrl.qc.ca. We'll be right back.

By the fire and think of all that I have seen. Of meadow flowers and butterflies and summers that have been. Summer and autumns that there were, with morning mist and silver sun and wind upon my. Thank you. beside the fire and think of how the world will be. When winter comes without a spring that I shall ever see, for still there are so many things that I have never seen. Know that. CKRL. Toi aussi, je crois. Tes souvenirs, Seigneur. Le jeudi 25 octobre, le Festival Québec en toutes lettres présente Queen K et son magnifique spectacle Chrysalide. J'arrive. Entre le show musical et la performance théâtrale, la reine du spoken word, Queen K et son band de poésie livrent des textes qui donnent envie de changement. Ce monde est si rude. Le spectacle sera suivi de la 9e nuit de la poésie. Québec en toutes lettres, du 20 au 28 octobre, découvrez la splendeur du vertige. Le Cœur à lire, organisme d'alphabétisation, tient à souligner l'implication de ses partenaires à la première édition de la Marche pour l'alphabétisation le 8 septembre dernier. La Caisse des Jardins de Charlebourg, les Autobus La Québécoise, la Ville de Québec, C'est Capable, IGA Extra de Charlebourg, le Coureur Nordique, votre coloriste et CKRL. Merci à tous et à l'an prochain. Ensemble pour l'alphabétisation, le cœur à lire. Pas de gêne, pas de stress. 418-841-1042. De retour. Ce qu'on vient d'entendre, c'est une nouveauté américaine. Le claviériste Tim Morse. Troisième album, mais il a choisi de l'appeler tout simplement 3. ça ne tentait pas de jongler trop longtemps. Et un premier extrait, mais écoutez, c'est prometteur. Je vais probablement revenir avec d'autres choses de M. Morse. Avant ça, on avait la formation norvégienne Salou qui, sauf erreur, je pense que c'est leur premier album, Amazing Games. Et avant ça, il y avait Sanguine Homme British de leur album Now We Have Power. Et on avait amorcé avec Grand Tour, groupe écossais formé de musiciens de Abelgans et Comedy of Error. Très bon album, Heavy. Non, attends un peu, là. Heavy. Hey. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'écris mal? Heavy on the Beach. Ça fait ça, Heavy on the Beach. Beach. Ouais, ben, bonsoir, Vincent. Un mauvais film d'horreur. C'est parce que c'est ça, il y a probablement des requins qui traînent pas loin. Mais j'ai beaucoup aimé ça, ce groupe-là, les deux bandes écossais ensemble. Puis on placotait hors d'onde, Michel et moi, justement, à propos du rock progressif écossais. Les plus vieux freaks se rappellent peut-être de Beggar's Opera, qui était un des soutiens de ce rock-là dans les années 60-70. Il y avait toujours une pochette là, avec un cheval, un peu comme... Un regard fou, je sais pas comment décrire ça, là, mais moi j'adorais ce groupe-là. Et puis il y a un des musiciens que son fils a pris la relève, qui est dans le groupe Poor Genetic Material. Bon, je cherchais tantôt, là, c'est ça, je viens de le trouver. La preuve qu'on n'est pas toujours. Des fois, ça ressort comme... Bon, oui, c'est ouais. Comme les mots croisés. C'est hein. Ça. Tu pioches sur un mot, puis le soir, t'es sur la bolle de toilette, puis le mot, il t'en pop dans la tête, mais ben... là, t'as plus de mots croisés devant toi. Ben, en tout cas... Là, je suis assis sur ma chaise. Là. C'est... on va être clair. Ouais, on va continuer la musique. Nous ben autres, oui, pense. C'est ça. On va aller faire un petit tour du côté de l'Italie. Un groupe qu'on va avoir le plaisir de voir en mai prochain au Festival Terra Incognita, c'est-à-dire Finistère. Et je suis vraiment très content parce que ce groupe-là ne fait... Je pense qu'il présente un spectacle. Mon Dieu, le dernier, c'était en mars 2017. Mais avant ça, ça je pense que c'était une question de 5, 6 ou 7 ans. Ils n'en font pas beaucoup. Les gars sont tous occupés ailleurs. Vous connaissez le leader Fabio Zuventi qui collectionne les projets et les disques. Fabio m'a comme fait une fleur en me disant, regarde, on réunit les gars pour le 15e de Terra. Et puis, ça va être Finistère. Et ils vont nous arriver avec un album en concert. Je sais qu'ils travaillent sur un album en studio, mais ils n'ont pas le temps de le finir. Ils sont tous à gauche et à droite. Mais je pense que ça va arriver un jour. Mais je sais qu'ils vont arriver avec un album en concert. Et on va en écouter un extrait. Ça va s'appeler Live in Milano, je pense. Ça a été enregistré en mars 2017 lors du dernier festival organisé par Fabio Zuventi, le Z-Fest. C'est qu'on écoute Finistère, Live in Milano. Thank you. The white flag is up. Everyone is falling like a baby. Se questa mia città mi chiedesse di cambiare, non so cosa direi. Forse qui ci manca il mare, passa il tempo, è normale, non lo sento arrivare. Fermarsi all'improvviso, un senso di abbandono, cadendo nel tuo viso, la mia pace, la tua guerra, troppi vicoli caduti sulla terra. Si alza il vento e già lo sento, generato da una nuvola d'argento, rimpiazzato da una misera realtà che non vuole il suo destino, perché già non ce la fa. La mia pace, la tua guerra, troppi vincoli caduti dentro il vuoto. Nella lotta quando è pura follia.

une demi-heure italienne, en quelque sorte. Bien, en fait, c'est une demi-heure italienne. Ce qu'on vient d'entendre, c'était Sindone, de leur plus récent Misoginia. Un groupe qui roule quand même depuis un bon bout. C'est pas leur premier essai, contrairement à celui qu'on écoutait avant, là, Andrea Stick. Mais là, je dis Stick, S-T-I-C-H. Mmh. On n'est pas sûr de la prononciation. On n'est pas, c'est ça. L'album s'appelle La Strane Canzoni. Un mélange, moi j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Là. Un peu chanson italienne mélangée avec du psychédélique, un peu de prog. En fait, ça c'est un disque qu'il faut que j'écoute cette semaine. Mais cette tonne-là, elle t'avait accroché l'oreille bien comme il faut. Oui, oui, ça c'est tout de suite, je me suis dit, oh, attends un peu, celle-là, là. Repeat, on l'a mis comme quelques fois. Et puis, ben, on avait donné le coup d'envoi avec Finistère. Finistère qui m'a mis le cul par terre. Excuse-moi. Non, mais à un moment donné, le claviériste prend un solo. C'est le son du oui. Caravan de Nine Feet Underground. Ouais. C'est capoté vraiment. Et ils ont leur base de fans, Finistère, parce que il y a quelqu'un qui t'a contacté. De San Diego. Oui, un fan, fait. Parce qu'il va s'en venir voir ça, parce que c'est le seul show en Amérique du Nord de Finistère. Oui, exactement. Oh, oui, écoute, j'étais surpris, mais j'ai dû me rendre à l'évidence quand j'ai jasé avec. J'ai dit, OK, il part de San Diego. Puis c'est ça. Il ne veut pas rater Finistère. C'est cool, ça. Ouais. Ça, c'est un passionné. Et donc, c'est ça. Ben, Finistère, on va les recevoir au mois de mai prochain. Ceux qui se posent la question, les billets pour le festival, la 15e édition du festival, vont être en vente bientôt. Si vous voulez être tenu au courant, rendez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site Terre Incognita. C'est sûr que la journée, et même peut-être même la veille, on va l'annoncer la veille parce que la prévente est tellement bonne que je vous dirais... Si vous avez la chance de le faire, faites-le le plus rapidement possible parce que j'ai l'impression que ça va être trois guichets fermés cette année. Ben, 2019, pas cette année, mais l'année prochaine. Ouais. Avec tout ce qu'on a comme groupe, je dois dire que j'ai jamais reçu autant de courriels de la part d'Américains que cette année. C'est bon signe. C'est très bon signe. Ouais. S'en va une petite pause. Oui. Et on vous revient tout de suite après à Terre Incognita. Avec quel groupe qui va jouer? Arab is in Aspic. Oh yes, ça, live. C'est dans ma tâche, j'en passe souvent aux illusions de ça. Oh, petite pause, on revient. CKRL. Le théâtre Premier Acte, en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec et le collectif du Trottoir, présente la pièce « Celle qu'on pointe du doigt ». Ça se lit pas toujours dans notre face, mais quand on les voit, les criminels à TV, ils ont toutes des faces de pas de bon sens. Des dents qui se peuvent pas, des yeux cross-eyed, ben des crânes de macaque. Quoique je peux comprendre que quand t'as été le dernier à piger dans le sac à face, ça se peut que tu sois prédisposé à vouloir sauter un plomb. Mais moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Celle qu'on pointe du doigt, du 2 au 20 octobre, premieracte.ca. Le 27 octobre, l'Halloween, ça se fête à la Korrigane, dans un décor macabre de circonstances. Concours de décoration de citrouille, concours de costumes, prix de présence, bière à la citrouille et autres cocktails et shooters monstrueux. Dès 22h, la piste de danse s'anime au son du groupe The Black Coffees. 5$ à la porte, gratuit pour les gens costumés. Brasserie artisanale La Korrigane, 380 rue Dorchester. Yeah. We'll be right back. sailors waving their goodbyes. We try to see the meaning of it all, but dice and steel we roll. Vous êtes toujours à Terra Incognita. Et Michel Bilodeau, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? C'était donc bien bon, ça, avec le B3. Et on était vraiment dans les... Les années 70. Là. Oui, le son des 70s. Oui, mais avec un peu plus de crunch. Là, le côté élevé des plus récents, là, par bout, évidemment. Ça s'appelle Live Stream. C'est leur premier album, c'est Diary. Belle surprise, encore des jeunes Italiens. Je ne sais pas ce qui se passe, on en discutait, là. Je ne sais pas ce qui se passe en Italie, là, mais ça, ça sort. Là. Écoute, je pourrais en nommer, là. Ça n'arrête pas. Là. Et le pire, c'est qu'ils peuvent jouer à peu près partout sauf chez eux. C'est ça qui est le pire. Oui, c'est la situation en Italie pour les jeunes n'est pas facile, les jeunes groupes. Là. En fait, je veux dire, il y en a beaucoup qui aimeraient venir jouer ici parce que. Le problème, je pense que c'est des salles, parce que les gens préfèrent les valeurs, comme on disait tantôt, sûres. Donc, des groupes comme Liormé ou PFM, ça, ils ont peut-être moins de difficultés, eux, à se trouver un public, parce que le public est là depuis longtemps. Oh, mais ouais, le temps file, je pense que je vais dire ce que je jouais. Écoute, il y avait Live Stream de l'album Diary. Nos amis de Arab is Not Speak qui nous arrivent avec un album en concert qui devrait sortir incessamment. Et puis, on a pu voir que les gars ont bien du plaisir sur scène. Absolument. Et que c'est pas la pièce originale. Non, vraiment pas. Non. Jam time. Oui, oui. Et puis, mon Dieu, c'est ça. On est déjà remonté, je veux dire. Écoutez, superbe émission ce soir. Moi, j'ai eu bien du plaisir. J'espère que vous l'avez eu vous aussi. On vous invite à nous revenir la semaine prochaine. Puis je vous invite aussi, si vous voulez être au courant un peu de ce qui se passe là, pour le Festival Terra Incognita, notre page Facebook, abonnez-vous à notre page Facebook et à notre site. Sur ce, bonne nuit. Puis il y a Vincent qui reste pour l'autoroute. Fait que salut Michel, salut aux auditeurs. Moi, je reviens, ça ne sera pas long. Salut. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. CKRL 89.1 Québec. Le vendredi 26 octobre, le Festival Québec en toutes lettres présente L'Obéissance, un roman troublant de Suzanne Jacob, lu par la comédienne Pascale Monpetit et mis en musique par Martin Lisotte. Un texte qui explore, avec sensibilité et intelligence, la complexité d'une relation mère-fille. Un texte qui donne impression de vertige devant la profondeur de l'âme humaine. Québec en toutes lettres, du 20 au 28 octobre, découvrez la splendeur du vertige. Quel match! Quel match! Vous voulez tout savoir sur les remparts, le Rouge et Or, les capitales, le sport scolaire et professionnel. Première loge sport est votre rendez-vous sportif au 89.1. Et le but! Au menu, résultats, analyses et entrevues. Ici Dominique Girard en compagnie de Marie-Pierre Gosselin et de nos différents chroniqueurs. Je vous donne rendez-vous chaque mardi dès 15h30. Première loge sport. Un hymne à l'amour, à la vie, cette entente instantanée avec quelqu'un, de voir quelqu'un puis de comprendre sans même nécessairement parler à la personne, mais de juste comprendre l'essence ou l'existence de cette personne-là. Ouais. On t'appelait l'étranger, tu parcourais ta vie.